ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze bo baba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Le 5 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'enseignant. C'est une journée célébrée au lendemain de la mise en retraite d'environ 3000 enseignants. Les syndicats des enseignants s'expriment dans cette édition. Entre-temps, en commune Mugina de la province de Cibitoke, un enseignant a été arrêté ce jeudi pour avoir frappé 15 écoliers de façon exagérée, selon les parents. En province Karoussi, le tribunal de grande instance a décidé ce mercredi de garder en détention préventive un homme accusé de viol sur une mineure et libère en même temps ses deux frères. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le coup d'État n'est plus possible au Burundi. Une annonce faite par le président de la République du Burundi ce mercredi en commune Ruhororo de la province Ngozi lors de la présentation du nouveau gouverneur de cette province à la population. Évariste Ndayishimiye demande à la population de ne pas prêter oreille aux rumeurs qui font état d'un coup d'État, mais plutôt de vaquer aux activités d'autodéveloppement en vue de lutter contre la pauvreté. Néanmoins, le numéro 1 burundais a demandé à cette population d'être vigilante afin d'empêcher le passage à tout détracteur. Le point avec Apollinaire Muzagar. Dans son discours de ce mercredi en commune de la province Ngozi, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, conseille à la population burundaise la sourde oreille face aux propagateurs des rumeurs sur le coup d'État au Burundi. Le numéro 1 burundais rassure la population que le coup d'État ne peut plus réussir actuellement. Selon lui, aucun malheur ne se reproduira plus dans ce pays. Le président Evariste Ndayishimiye demande néanmoins à toute la population burundaise plus de solidarité et de vigilance pour que, selon lui, les ennemis de ce pays ne puissent pas avoir un petit passage pour déstabiliser le Burundi. Il indique à la population burundaise que tous ces tractateurs sont des fainéants qui n'ont pas quoi faire et qui ne veulent pas que le Burundi sorte de la pauvreté, d'où le président burundais appelle toute la population à vaquer plutôt à leurs activités quotidiennes d'autodéveloppement. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Isanganiro. Page éducation de cette édition, le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi STEP dit n'avoir pas bien accueilli la mesure du gouvernement interdisant la retenue à la source des cotisations des enseignants. C'est une mesure qui constitue déjà une entrave au fonctionnement des syndicats, selon le STEP. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre, le président du STEB de ce syndicat estime que le Comité national du dialogue social CNDS devrait se mettre à l'œuvre pour jouer l'intermédiaire en vue du respect des droits de l'enseignant. Rémi Nsengiyumva ajoute que certains sont obligés d'enseigner des matières pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanya. Il y a surtout pour les syndicats des enseignants la suspension du check-off, ce que nous appelons le retrait à la source des cotisations syndicales, alors que c'était la voie que les enseignants avaient préférée. Alors c'est contre la loi. Cela fait que les syndicats des enseignants freinent et bientôt ne pourront plus travailler parce que, comme vous le savez, sans fonds, on ne peut pas fonctionner. Il y a le renvoi à la retraite de plusieurs enseignants, plusieurs travailleurs. Pour les enseignants, c'est plus de 2000. Ils ont été renvoyés dans des conditions qui ne respectent pas la loi. Par exemple, ils devaient être avertis une année avant, mais ils ont été avertis une nuitée avant. Le 30, alors qu'ils devaient partir, le 31. Deuxièmement, ils viennent de passer 3 mois sans qu'ils soient rémunérés. Normalement, ils devraient être directement transférés à l'ONPR ou à l'INSS. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur pension. Il y a aussi des enseignants obligés d'enseigner des matières dans lesquelles ils n'ont pas la formation. Là aussi, c'est un défi pour l'enseignant. Tout cela démotive les enseignants. Et quand ils sont démotivés, leur rendement ne sera pas positif. Et s'ils sont obligés, nous voyons des formations qui sont parfois commanditées à l'endroit de ces enseignants. Mais il y a une convention internationale qui dit que l'enseignant doit enseigner la matière dans laquelle il a une formation initiale. Ce ne sont pas des formations continues, qui sont même, si vous voulez, m'ordonner une semaine, deux semaines. Je peux vous donner un exemple. Dans ce qu'on appelle dans le domaine des sciences et technologies, un enseignant qui a fait la chimie est obligé d'enseigner la biologie, la physique, la technologie et le théisme. Dans les trois premiers cycles, les enseignants sont obligés d'enseigner le swahili, alors qu'ils n'ont pas appris ça dans les écoles initiales. Nous demandons au gouvernement un dialogue franc pour que toutes les décisions qui se prennent en concertation avec les travailleurs. Deuxièmement, nous avons un Conseil national de dialogue social qui normalement devrait jouer le rôle de prévention et de résolution pacifique des conflits en milieu du travail. Rémi Sengiyumva, président du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi STEB, au micro d'Alain Désiré Bukeneza. Le manque d'enseignants s'est accentué depuis la mise en retraite de près de 3 000 enseignants. Antoine Manouma, représentant de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, trouve qu'il faudrait recruter de nouveaux enseignants et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Suivez. Si on considère les effectifs d'enseignants vacataires, ils sont très élevés. La plupart d'enseignants vacataires sont choisis parmi les enseignants recrutés pour rester à temps plein. La surcharge ne leur permet pas de s'acquitter correctement de leurs tâches. Leurs prestations deviennent alors tronquées et il y a lieu de douter de leur rendement. La même situation est observée dans les écoles. Organiser l'enseignement post-fondamental sans enseignants suffisants où les horaires dépassent de loin les normes. Il en est de même dans les classes pléthoriques. Ici, le taux de redoublement élevé en sont l'une des conséquences. Dans le passé, chaque école primaire était dotée d'enseignants suppléants qui intervenaient en cas d'empêchement de l'un ou l'autre enseignant titulaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si un enseignant d'une classe donnée est absent, les élèves sont laissés à eux-mêmes. Si l'absence se prolonge, le programme risque de ne pas être achevé. La carence des enseignants s'est aggravée avec la mise en retraite de près de 3 000 enseignants à la fin du mois de juin de cette année. Entre-temps, le gouvernement, à travers le document contenant les termes de référence pour le recrutement des enseignants nouveaux édition 2023-2024, est signé par la présidente de la Commission nationale de recrutement en date de 18 août 2023, prévient que tous les besoins en enseignants ne seront pas couverts, ce qui signifie que beaucoup d'enfants resteront privés d'enseignants et d'enseignement de qualité. Autrement dit, leur droit à l'éducation sera toujours hypothéqué. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous considérons que la seule voie de garantir à chaque enfant l'accès aux enseignements recherchés et la hausse du budget de recrutement de nouveaux enseignants ainsi que la fidélisation des enseignants en activité par le respect de leur dignité et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Poursuivons cette édition. Un enseignant de l'école fondamentale de Buserukoye en commune Mugina de la province Cibitoke a été arrêté ce jeudi 5 octobre par la police. Il est accusé d'avoir frappé de façon exagérée 15 écoliers de la 6e année de sa classe à mardi 3 octobre pour dérangement, 10 coups de bâton chacun, ce qui a laissé des traces sur leur corps. Le directeur provincial de l'enseignement à Cibitoke demande aux éducateurs de s'abstenir des punitions corporelles et leur représentant de la Fédération des organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance FENADEB dans cette province, ainsi que les parents demandent tous que cet enseignant soit puni conformément à la loi. Pour clore cette page de la journée dédiée à l'enseignant, un pays ne peut pas atteindre son développement quand le secteur éducatif reste en arrière. À propos de Faustin Dikoumana, directeur exécutif de la Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM, Faustin Dikoumana trouve que ce secteur devrait être pris parmi les priorités par le gouvernement vu la situation et la vie des enseignants. Suivez. L'éducation doit être essentielle dans tous ses aspects. La formation scientifique, l'expertise, la formation morale, tout cela entre en commun pour qu'on forme un citoyen, pour qu'il soit un acteur du développement. C'est l'éducation qui transforme chaque citoyen d'un pays en véritable acteur du développement. Si on néglige ce secteur, vraiment, l'émergence du Burundi sera toujours reportée au calendrier grec. Et même si on analyse l'état des lieux actuel, les besoins en enseignants, nous avons des besoins en enseignants immenses, mais on voit que la priorité n'est pas là. D'abord, au niveau de l'affectation, dans plusieurs écoles, il y a un manque d'enseignants en quantité, mais en qualité. Parce qu'actuellement, on se lamente que la formation, le recyclage de nos anciens n'est pas suffisant pour qu'ils puissent donner une formation de qualité. C'est un défi énorme. Il faut alors que le gouvernement s'y penche. Il y a eu les états généraux de l'éducation qui se sont tenus et ces états généraux ont été assortis de recommandations pertinentes, aussi le traitement de l'enseignant y compris. Et je crois bien qu'il faut qu'un traitement aussi bien cadré de l'enseignant soit mis en avant au niveau des salaires, conditions de travail. Parce que un pays, une société qui ne sait pas donner d'importance à l'enseignant, les écoles universitaires, à l'école primaire, c'est une société qui se meurt à long terme. Ici au Burundi, il faut renforcer ce qu'on appelle la discussion sur les priorités budgétaires. Parce que si on analyse la loi des finances aujourd'hui, on a parlé d'une augmentation substantielle, vertigineuse des dépenses budgétaires. Mais la part qui a été réservée à l'éducation a été très minime. Si on table d'abord au niveau de la dotation budgétaire, on saura comment allouer des fonds substantiels selon les priorités nationales et urgentes. Isanganiro, la radio de l'avenir. 18h12 dans le studio de la radio Isanganiro, page justice. Le tribunal de grande instance de Karusi a décidé ce mercredi de garder en détention préventive un homme de la colline Gisenyi de cette province. Il venait de passer un mois au cachot du commissariat de police à Karusi, accusé de viol sexuel d'une mineure de 13 ans. Avec l'aide de ses deux frères complices, le tribunal a libéré ces deux derniers ainsi que le chef de colline, Gisenyi, son adjoint et le responsable de la jeunesse Mbonera Koulé. Les trois étaient accusés d'avoir facilité l'évasion de la personne poursuivie dans ce dossier de viol. Le point avec Blaise Pascal Kararumi. Il s'agit de Jean Bosco Bigirimana, le chef de colline Gisenyi de la commune Buhiga, province Karusi. Son adjoint, mais aussi le responsable de la jeunesse Imbonerakure sur cette colline et travailleurs de l'hôpital de Karusi et tous qui ont été relaxés ce mercredi par la décision du tribunal de grande instance de Karusi. À part ces trois responsables administratifs à la base de cette colline, la même décision relaxe aussi des hommes et tous ces cinq étant de la colline Gisenyi et tous emprisonnés au cachot du commissariat de police Karusi depuis le 4 septembre dernier. Ils étaient accusés de facilitation d'évasion d'un homme de cette même colline Gisenyi, un homme qui était accusé de viol sexuel d'une fille de 13 ans à la même colline. Deux d'entre eux étant des frères de l'accusé de ce viol, le tribunal a décidé pour ce dernier de rester emprisonné. La décision ayant été prise après la chambre de conseil tenue ce mardi dernier au tribunal de grande instance de Karusi. Les responsables de la commune de Buhiga confirment que Bigirimana Jean Bosco n'est plus le chef de cette colline après son emprisonnement. Et puis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Retour à Bujumbura, les habitants des collines Gasenyi et Gatunguru de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi se réjouissent des travaux de réaménagement de la rivière Gasenyi, souvent à l'origine des inondations et demandent au gouvernement d'aménager et de réaménager d'autres rivières. Jean-Marie Vianney Ndakumana. Kuko imvura iguye igiserege cyuzura uru ruzi n'ukuri ku Imana kweri rwatwara ibintu. Certains habitants de Corine Gasenyi et Gatunguru de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura se réjouissent des travaux de réhabilitation de la rivière Gasenyi du fait que cette rivière provoquait des inondations pendant la saison pluvieuse comme le témoigne un de ses habitants. Pour moi, j'apprécie ces travaux parce que dans les années passées, il y avait eu des scandales où cette rivière a inondé jusqu'à ce que les maisons qui se trouvent aux alentours puissent déborder. Et quelle est l'importance de la construction de cette rivière? L'importance, premièrement, ça sera très facile pour nos enfants pour aller à l'école. aussi les autres personnes qui passent ici pour aller dans les autres quartiers, ça sera très facile. Celui-ci lance un appel au gouvernement d'aménager d'autres rivières en vue d'éviter des dégâts qu'elles peuvent causer aux populations environnantes. Comme on a apprécié ces activités, nous demandons au gouvernement du Burundi de les faire construire le plus tôt possible pour ne pas entrer dans les catastrophes naturelles. Selon les informations recueillies auprès des ouvriers en charge de ces travaux, la rivière Gasenyi a une dimension de 3 500 m et pour le moment, les travaux d'aménagement arrivent à 2 400 m. Ces derniers tranquillisent les habitants de cette localité quand le délai de 6 mois d'exécution de ces travaux ne sera dépassé. Rendons-nous en Provence, Makamba, pour clore cette édition des maladies liées à la malnutrition. S'observe toujours chez des enfants dans cette province. Selon la population, le mobile serait en manque de vivres, voire une mauvaise préparation de la nourriture. Et c'est dans ce cadre qu'un foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle a été lancé ce mercredi sur la colline Ruremba de la commune Makamba via le projet Nguriza. Le directeur général des services de santé et de lutte contre le sida demande aux bénéficiaires de ce projet de changer de pratique. Le point avec Élisée Kwizera. Sur les collines de Ruremba et Mivo, des communes de Makamba et Mavanda, où les associations impliquées dans le projet Nguriza et la Banque mondiale qui le finance ont effectué une descente de supervision pour s'assurer de l'état de mise en œuvre de ce projet. Durant les 6 mois écoulés, la population de ces collines disait qu'il existe encore des maladies infantiles liées à la malnutrition. Selon cette population, la cause serait pour certains le manque de vivres et pour les autres, les repas mal préparés, comme l'affirme le chef de colline de Ruremba en commune Makamba. Pour faire face à l'insécurité alimentaire, il a été lancé ce mercredi un foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle sur cette colline. 12 ménages ayant des enfants mal nourris vont se rencontrer sur le ménage de cette colline où ces enfants seront bien nourris et leurs mères vont être sensibilisées sur la sécurité alimentaire et la santé liée à la reproduction dans une période de 12 jours. À côté de ce foyer, il a été établi sur la colline Mivo de la commune Mavanda des pépinières de légumes et aussi celles des plantes fourragères pour lutter contre l'érosion et nourrir leur bétail. Le directeur général des services de santé et de lutte contre le sida, Dr Cléophile Kindavi, demande aux bénéficiaires de ce projet d'attacher l'importance à l'apprentissage donné à leur entourage. Vous saurez que dans toute la province de Makamba, plus de 5200 ménages vont bénéficier ce projet, dont 1366 de la commune Nyanzalake. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. À 18h18 dans les studios de la Radio Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Nos programmes continuent.